raconte un peu. Ouais, tout est en ordre. Au cours de nos leçons, nous avons mentionné à l'occasion la fameuse règle du N, pour laquelle il n'y a pas d'équivalent en français et qui affecte pratiquement toutes les catégories grammaticales. Le N à la fin d'un mot est laissé tomber si le mot suivant commence par une consonne. Seules exceptions, le D, T, H, Z, N. Il est maintenu également devant les différentes voyelles, devant une virgule ou un point. L'application de la règle du N n'est pas évidente, puisque pratiquement chaque fois qu'un mot se termine en N, il faut regarder le mot suivant pour savoir s'il faut garder ce N ou non. Ce qui, pour quelqu'un dont le luxembourgeois n'est pas la langue maternelle, n'est pas facile, surtout quand il s'agit de parler à un rythme plus ou moins normal. Mais voyons cela de plus près, en commençant par les verbes. Ich heiße an, mais ich heiße Paul. Ich fuhre anstatt, mais ich fuhre mam Zug. Ich komme aus Frankreich, mais ich komme fu Paris. Même phénomène pour les verbes auxiliaires. Ich bin Doktor, mais ich bin Schreiner, menuisier. Ich bin Informatiker, mais ich bin Metzler, Boucher. Ich habe ein Auto, mais ich habe Kopfweh, mal à la tête. Ich habe zwei Katzen, deux Chats, mais ich habe Probleme, j'ai des problèmes. Dans le cas de l'article défini, cela nous donne Ich bin de Paul, ich bin den Albert, ich habe de Jean begegnet. J'ai rencontré Jean. Ich habe den Tom begegnet. Même chose pour l'article indéfini. Ich habe ein Haus, ein Buch, ein Auto, ein Velo. La règle du N affecte aussi le pronom personnel il. Hien, donc. La troisième personne singulier au masculin. Hien als Professor für Beruf. Hier wohnt zu Diedeling. Hier schafft an der Stadt. Hien als für Paris. Et même les prépositions n'y font pas exception. Ich sie von Asch, ich sie von Beteburg. Ich sin an engem Park, dans un parc. Ich sin an mingem Gwet, dans mon jardin. Ich wohne an Deutschland. Ich wohne à Frankreich. Revoyons maintenant notre récent dialogue du marché pour voir ce qui se passe avec cette règle du N. Bonjour, du Chain Orangenhaut. Ici, la règle du N affecte l'adjectif Chain qui garde son N à cause du O d'Orangen qui suit. De même, le pluriel du substantif Orangen garde son N parce que le H de Haut est une des cinq consonnes qui exigent que le N soit maintenu. Ja, sie sind aus Spanien. Ich brauche auch noch ein Schuhfleur. Die kostet 47 Franken. Macht mir auch ein Kilo Bananen und dann noch ein Pond Kiesten und ein Pond Rot Trauben. Le mot dann an dann nach, et puis encore, qui s'écrit avec deux N à la fin, les perd tous les deux si les circonstances l'exigent, comme par exemple dans An da kren ich auch nach a pont kiesten. Sos nach eppes? Nee, merci, dat as alles. Dat mischt zusammen 286 Frank. Hei sind 2000 Frank. Hud ihr keng Münz? Nee, ich hu gu keng. Et Moment. Ich frohe mein Nopa. So, hei sie Münz. Aver an a schöne Weekend. Appliquons maintenant cette règle à une nouvelle situation d'achat qui nous permettra en même temps d'apprendre quelques mots nouveaux. Ou wie mas de l'eau wann ich gelift? Ich mengen et as un ich, madame. Jo, et as un mir. Wat sollet sinn? Ich hätte gern ein Brot vom Pont an eine halbe Dose Bredascher. Ist das alles? Nein, ich will noch nach ein paar Kieschelchen. Encore une fois. Und wem ist es denn, wenn ich geliefert? A qui le tour, s'il vous plaît? Ich mengen et as un ich, madame. Je crois que c'est à vous, madame. Jo, et as un mir. Oui, c'est mon tour. Wat soll et sin? Que désirez-vous? Ich hätt gä e Brot vom Pont an eng halb dozen Bredascher. J'aimerais avoir un pain d'une livre et une demi-douzaine de petits pains. As dat alles? C'est tout. Nein, ich holen auch noch ein paar Kieschelchen. Non, je prendrai encore quelques petits gâteaux. Avant de voir l'application de la règle du N dans ce dialogue, analysons d'abord une formation du pluriel qui s'écarte un peu d'une règle dont nous avions parlé dans une de nos leçons précédentes. Vous vous rappelez la formation du pluriel des mots qui se termine en « chen »,« chen » étant d'ailleurs aussi la terminaison typique des diminutifs. D'après ce que nous avons vu déjà, le « schön » devient « orchor » au pluriel et « breitchen » zwei breidorchor. Mais pour « kichelchen » petit gâteau, le pluriel se fait simplement en transformant le « n » à la fin du singulier en « r » donc « et kichelchen zwei kichelchor ». Nous trouvons cette formation du pluriel chez un certain nombre de mots qui se terminent en « schön » notamment les mots où le L précède la terminaison schön. Donc, encore une fois, Kichelchen, Kichelchor, Kaveschelchen, écureuil, Kaveschelchor, Puppelchen, bébé, Puppelchor. Revenons pour finir à nos zen dans le petit dialogue que nous venons de voir. Où wiem as et allo, wann ich gelift? Ich mengen, virgule, et as un ich. Ich hätte gern ein Brot vom Pont an eine halbe Dose Bredascher. Ist das alles? Nein, Virgül, ich hole auch noch ein paar Kieschelchen. Et c'est terminé pour aujourd'hui. On va s'entendre la prochaine fois.